Orient Dream. L'Algerino Oriental Dream. Chef Khalas. وحدة متعجبني يا غير هي هي. Le teint doré, ben te bledi. T'as sorti les Versace, eh ouais, Blumi. Qui rate le Maghreb en général, sec, sec. Journée bronzette, le soir au 5, 5, 5. On a de la fraîche, chanter fable, Annie. Je fais le tour du Maghreb, mon Paname et Era. Veux-tu être Mahlel, Lennon, Brikavi? L'essentiel est de connaître Arabia. Wahdem et Tajibini, Yahir Hiya Hiya. Je suis un gars, ma cousine j'ai un bac.